إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue la lecture et la traduction de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Nisa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame l'explication de Sourate Al-Qiyamah, traduit par Sourate La Résurrection. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى dit selon le sens, non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge à quand le jour de la résurrection. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة القيامة وهي مكية ليست لا هنا نافية ولا زائدة وإنما أوتي بها للاستفتاح وللاهتمام بما بعدها ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة سميت لوامة لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة فقال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد الموت كما قال في الآية الأخرى قال من يحيي العظام وهي رميم فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن فرد عليه بقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي أطراف أصابعه وعظامه المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك وإنما وقع ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب بما أمامه من البعث والفجور الكذب مع التعمد ثم ذكر أحوال القيامة فقال. Donc ici, Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit que là, ici, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala commence Sourate Al-Qiyamah, La uqasimu biyawm al-Qiyamah, ici, cela, ce nom, ne doit pas être compris dans le sens de la négation. mais il est utilisé pour ouvrir, pour commencer la phrase et pour donner de l'importance à ce qui va suivre après. Et parce que là est souvent utilisé, précède souvent le fait que l'on juge, que l'on jure à Afwan, eh bien, il n'est pas étonné que l'on commence par celle-ci, que l'on commence par la, pour commencer la phrase. Même si, de façon générale, le pronom la n'est pas utilisé pour ce besoin, c'est-à-dire d'ouvrir une phrase. فَالْمُقْسَمُ بِهِ فِي هَدَ الْمَوْضِعِ ce par quoi l'on jure et ce par quoi Allah a juré et ce pour quoi a juré est dans ce verset la même chose, à savoir la résurrection après la mort et le fait que les gens se lèveront de leur tombe le jour du jugement et qu'ils seront debout devant leur Seigneur en attendant qu'il les juge. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ » Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Ici, il est question de toutes les âmes, bonnes et mauvaises. Et elles ont été appelées « لَوَّامَةِ » qui ne cesse de se blâmer, car ces âmes sont instables et ne restent pas fermes en passant d'une situation à une autre. Elles ont été aussi appelées, ou elles ont été aussi caractérisées par le fait qu'elles ne cessent de se blâmer, car au moment de la mort, l'âme blâmera celui qui la portait. Plus encore, l'âme du croyant le blâmera dans cette vie d'ici-bas selon ce qu'il aura œuvré et ce qui aura émané de lui comme manquement vis-à-vis des devoirs qu'il avait ou bien de l'insouciance qu'il a pu avoir durant son existence. Ainsi, dans ces versets, Allah Azza wa Jal a juré par la rétribution, a juré par la rétribution, a juré pour la rétribution, et également par celui qui mérite la rétribution, à savoir l'être humain. ثُمَّ أَخْبَرَ مَعَ هَذَا Malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala informe que certains entêtés traiteront de mensonges le jour du jugement. Et dira, c'est-à-dire celui qui traitera de mensonges le jour du jugement, et Allah Azza wa Jal dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا نَجْمَ عِظَامَهُ L'homme pense-t-il que nous ne réunirons pas ses os, c'est-à-dire après la mort. Comme il l'a dit Azza wa Jal dans un autre verset, il dit, en parlant de cet homme qui renie le jour dernier, il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» En surat Yassin, le verset 78. Ainsi, de par son ignorance et de par son entêtement, cet homme trouve ou considère impossible le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de créer des os qui sont le pilier du corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en disant « Bala qadirina ala an nusawwiya banana » Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts, c'est-à-dire les extrémités de ses doigts et de ses os. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal dise cela, eh bien, cela signifie qu'il est capable de créer l'ensemble des parcelles de son corps. Car si les extrémités, si les phalanges et si les empreintes sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah Azza wa Jal est capable de créer les empreintes et les bouts des doigts et des os, cela signifie que la création de cette personne serait complète. Car si Allah Azzawajal peut créer cela, eh bien, de surcroît, il peut créer le reste des membres du corps. Et cette personne ne nie pas la possibilité et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala de recréer les os une fois qu'ils étaient poussière. Il n'a pas pour cela de preuve. Cet homme qui dit cela n'a pas pour cela de preuve. Il dit cela en réalité pour traiter de mensonge le jour du jugement qui est devant lui. Wal-fujur, en arabe, c'est le fait de mentir avec préméditation. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala cite la situation du jour du jugement. فَقَالَ تَعَالَى فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira: où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Quand même, il présenterait ses excuses. قال الشيخ سعد رحمه الله أي إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف كما قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وخسف القمر أي ذهب نوره وسلطانه وجمع الشمس والقمر وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله فيجمع الله بينهما يوم القيامة ويخسف القمر وتكور الشمس ثم يقذفان في النار ليرى العباد أنهما عبدان مسخران وليرى من عبدهما أنهما كانوا كاذبين يقول الإنسان حين يرى تلك القلاقل والمزعجات أين المفر أي أين الخلاص والفرار مما طرقنا وأصابنا كلا لا وزر أي لا ملجأ لأحد دون الله إلى ربك يومئذ المستقر لسائر العباد فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله ولهذا قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقته وآخره وينبأ بخبر لا ينكره بل الإنسان على نفسه بصيره أي شاهدا ومحاسبا ولو ألقى معاذيره فإنها معاذير لا تقبل ولا تقابل ما يقرره به العبد فيقر به كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Il dit, rahimahullah ta'ala, en expliquant ces versets 7 à 15 de sourate Al-Qiyamah. Le jour du jugement, lorsque les regards seront éblouis par l'immensité des tourments du jour dernier, lorsque les yeux seront terrifiés et ne cligneront plus. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 43 de Sourate Ibrahim, il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Ils courront suppliant, levant la tête, les yeux terrifiés et les cœurs vides. وَخَسَفَ الْقَمَرُ Puis Allah Azza wa Jal dit, et que la lune s'éclipsera, c'est-à-dire que sa lumière disparaîtra. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Le soleil et la lune seront réunis et rassemblés. Il dit, rahimahullah, وَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَ مُنْذُ خَلَقَهُمَ اللَّهُ Et la lune et le soleil n'ont jamais été réunis et rassemblés depuis qu'Allah Azzawajal les a créés. Il les rassemblera, c'est-à-dire le soleil et la lune, le jour du jugement. Le soleil, la lune, s'éclipsera et le soleil deviendra obscurci. Puis ils seront jetés en enfer, afin que les serviteurs constatent que la lune et le soleil sont deux esclaves mis à disposition par Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que constatent ceux qui les adoraient, ceux qui adoraient la lune et le soleil, qu'ils étaient menteurs dans cela, c'est-à-dire dans le fait de les considérer comme des divinités. Puis Allah Azza wa Jal dit, يَقُولُ الْإِنسَانِ L'être humain dira, c'est-à-dire lorsqu'il verra toutes ces choses troublantes et terrifiantes, أَيْنَ الْمَفَرُ Où fuir? C'est-à-dire, comment m'épargner? Et où fuir de ce qui vient de nous frapper et de nous affliger? Puis Allah Azza wa Jal dit, كَلَّا لَا وَزَرُ Non, point de refuge. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit ou s'enfuir, si ce n'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika yawma idhin il mustaqar. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. C'est-à-dire que le retour de l'ensemble des serviteurs sera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Personne donc n'aura la possibilité de se cacher, où personne n'aura la possibilité de se sauver. Au contraire, chacun devra obligatoirement se mettre debout devant son Seigneur afin d'être rétribué de ses actions. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit « يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ » L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. C'est-à-dire qu'il sera informé de l'ensemble de ses actions, bonnes soient-elles ou mauvaises, du début de sa vie jusqu'à la fin. Et l'on l'informera d'informations qu'il ne pourra nier. Puis il dit Azza wa Jal, « بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا » L'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. C'est-à-dire qu'il sera témoin et juge de lui-même. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَهُ Quand même, il présenterait ses excuses, car ses excuses ne seront pas acceptées et ne pourront faire face à ce qu'il aura admis. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Isra, le verset 14, « Lis ton écrit, اقرأ كتابك. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » Ainsi, le serviteur, même s'il nie ou s'excuse de ce qu'il aura fait, eh bien, le fait qu'il nie ou qu'il s'excuse ne lui sera d'aucun bénéfice, car témoigneront contre lui son ouïe, sa vue et l'ensemble des membres de son corps. Ils témoigneront de ce qu'il œuvrait. Le temps de la conciliation sera alors révolu. Allah Azza wa Jal dit, ce jour-là, Les excuses ne seront pas utiles aux injustes et on ne leur demandera pas de chercher à plaire à leur Seigneur. ثم قال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ne remue pas ta langue, c'est-à-dire ô Muhammad, ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement nous incombe ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation, à nous ensuite incombera son explication. قال الشيخ سعد رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ وتلاه مع تلاوة جبريل إياه فنهاه الله عن هذا وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقال هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم ضمن له أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره فقال إن علينا جمعه وقرآنه فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا كمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك فحينئذ اتبع ما قرأه واقرأه ثم إن علينا بيانه أي بيان معانيه فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه وهذا أعلى ما يكون فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له فإذا فرغ قرأه وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام ليتبين ما فيه من حق أو باطل وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معانيه. Il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam venait à lui avec la révélation, et que Jibril commençait à lire sur lui, à lire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah azawajal lui révèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son désir ardent, s'empressait de lire avant que Jibril ne termine sa lecture. Il lisait donc en même temps que la lecture de Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ainsi. Et il a dit, comme Allah azza wa jalla dit dans surah Taha, le verset 114, « Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. » Allah Azza wa Jalla dit cela dans surah Taha. Puis il dit, rahimahullah, et il dit Azza wa Jalla ici, c'est-à-dire dans surah Al-Qiyamah, « La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih » Ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a garanti à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il apprendra et lira ce Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rassemblera dans sa poitrine. Allah azza wa jalla lui dit « Inna alayna jam'ahu wa qur'anah » Son rassemblement, c'est-à-dire dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, nous incombe, ainsi que la façon de le réciter, c'est-à-dire le Coran. Ainsi, le désir ardent qui était en toi, ce qui le motivait, ce qui motivait ce désir ardent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était la peur qu'il manque ou qu'il oublie un verset. Une fois qu'Allah azawajal, mais une fois qu'Allah azawajal lui est garanti cela, lui est garanti qu'il apprendra, qu'il lira et qu'il n'oubliera pas, eh bien, il n'y a plus lieu de se précipiter et de se hâter à lire. Allah azawajal a dit: "Faïda qara'nahu fattabi' qur'anah." Quand nous le récitons, suis sa récitation. C'est-à-dire, lorsque Jibril aura terminé sa lecture de ce qu'Allah t'aura révélé, alors, à ce moment, suis sa lecture et lis. Thumma inna alayna bayana. À nous ensuite incombera son explication, c'est-à-dire l'explication des sens du Coran. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a promis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de préserver les termes du Coran ainsi que les sens du Coran. Et ceci est ce qui existe de mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en exécution ce comportement que lui a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Jibril lisait sur lui le Coran, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait sa récitation. Et lorsque Jibril alayhi salam terminait sa récitation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à son tour. Et Cheikh Saadi rahimahullah dit: il y a dans ce verset le comportement que l'on doit adopter lorsque l'on prend la science. Que l'élève ne s'empresse pas de couper la parole à son professeur avant que celui-ci ne termine d'expliquer le sujet qu'il a entamé. Et lorsqu'il a terminé le sujet qu'il explique, alors l'étudiant expose les problématiques qu'il a. Et également, il dit, rahimahullah, également, lorsqu'il y a dans le début de la parole du professeur ce qui mérite une réplique ou un éclaircissement, de ne pas s'empresser à lui répondre et de ne pas s'empresser également à accepter cette parole jusqu'à ce qu'il termine son explication, afin que soit clair ce que cette parole comporte de vérité ou de fausseté. Également, il doit écouter l'ensemble de la parole de son professeur afin de le comprendre, afin de comprendre cette parole parfaitement pour ainsi pouvoir parler dessus ou répliquer à celle-ci. Et il y a également dans ce verset la preuve que, de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à sa communauté ou a montré à sa communauté les termes de la révélation, il leur a également montré les sens. ثم قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Il dit عز وجل selon le sens: mais vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور، مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم. منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم وازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم. وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: وجوه يومئذ باسرة، أي معبسة مكدرة خاشعة ذليلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عقوبة شديدة وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. الجي رحمه الله. En expliquant ces versets 20 à 25 de Sourate Al-Qiyamah, il dit, c'est-à-dire, ce qui a fait que vous soyez insouciants et ce qui a fait que vous vous détourniez de l'exhortation d'Allah et de son rappel est que vous aimez la vie éphémère et que vous accourez vers elle, vers ses délices et ses passions. Vous la préférez à l'au-delà et ainsi vous délaissez le fait d'œuvrer pour elle, c'est-à-dire pour l'au-delà. Car cette vie d'ici-bas, ses bienfaits et ses délices sont immédiats. Et l'homme est passionné par les délices immédiats. Quant à l'au-delà, ses délices et ses bienfaits sont retardés. C'est pour cela que vous êtes insouciant envers cet au-delà et que vous l'avez délaissé. Vous l'avez délaissé comme si vous n'aviez pas été créé pour elle et comme si cette vie d'ici-bas était la demeure éternelle, la demeure qui mérite que l'on dépense pour elle le temps de vie. Cette vie d'ici-bas qui soi-disant mérite que l'on accourt vers elle nuit et jour. À cause de cela, les réalités se sont inversées pour vous et vous avez obtenu la perdition que vous avez obtenue. Puis il dit, rahimahullah, si vous aviez fait précéder l'au-delà à la vie d'ici-bas et si vous aviez regardé les conséquences d'un regard du voyant digne de raison, vous auriez alors gagné. Vous auriez alors connu la réussite et vous auriez connu une félicité qui ne serait jamais accompagnée de malheur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala appelle à faire précéder l'au-delà à la vie d'ici-bas en expliquant l'état des gens de l'au-delà et la différence qu'il y aura, c'est-à-dire entre les bons et les mauvais. Allah Azza wa Jal commence par citer la récompense de ceux qui auront fait précéder la vie de l'au-delà à celle d'ici-bas. Lorsqu'il dit Azza wa Jal, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, c'est-à-dire des visages beaux et radieux, des visages qui auront brillance et lumière, car ils auront les cœurs comblés et leur âme connaîtra les délices. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, ces visages qui regardent, ces visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils regarderont leur Seigneur selon leur niveau. Certains parmi eux verront Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, matin et soir. D'autres ne regarderont Allah que tous les vendredis une seule fois. Ainsi, ils jouiront de la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, un visage beau et resplendissant qui ne ressemble à rien d'autre. Et lorsque ces gens du paradis, ceux qui ont fait précéder la vie de l'au-delà à celle d'ici-bas, lorsqu'ils verront le visage d'Allah azza wa jal, ils oublieront tous les bienfaits dont ils jouissent au paradis. Et ils éprouveront un tel plaisir et une telle joie qui ne peuvent être exprimées. Leurs visages deviendront resplendissants et brillants et ils deviendront plus beaux qu'ils ne l'étaient auparavant. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous fassions partie d'eux. Puis Allah Azza wa Jal a dit concernant ceux qui ont fait précéder la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, et il y aura ce jour-là des visages assombris, c'est-à-dire des visages renfrognés, des visages bouleversés et humiliés, تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, qui s'attendent à subir une catastrophe, c'est-à-dire un châtiment extrêmement dur, extrêmement douloureux, et c'est pour cela que leurs visages ont changé et se sont renfrognés. Thumma qala ta'ala kalla idha balagati at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Il dit subhanahu wa ta'ala, mais non, quand l'âme parviendra au clavicule et qu'on dira qui est exorciseur et qu'il, c'est-à-dire l'agonisant, sera convaincu que c'est la séparation et que la jambe s'enlacera à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Mais il n'a ni cru ni fait la prière. Au contraire, il a démenti, c'est-à-dire le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tourné le dos. Puis il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. Malheur à toi, malheur, et encore malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts? قال الشيخ السعدي رحمه الله يعظ تعالى عباده بذكر حال المحتضر عند السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. ولهذا قال: وقيل من راق، أي من يرقيه من الرقية، لأنه انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم يبق إلا الأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له، وظن أنه الفراق للدنيا، والتفت الساق بالساق، أي اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح التي ألفت البدن ولم تزل معه، فتساق إلى الله حتى يجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات ولا يزال مستمرا على بغيه وكفره وعناده، فلا صدق، أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا صلى ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق، وتولى عن الأمر والنهي. هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه، بل يذهب إلى أهله يتمطى، أي ليس على باله شيء، توعده بقوله: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده، ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول، فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله بغير ما يليق بحكمته. ألم يكن طفة من مني يمنى، ثم كان بعد المني علقة، أي دما، فخلق الله منها الحيوان وسواه، أي أتقنه وأحكمه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. تم تفسير سورة القيامة، ولله الحمد والمنة. Il dit, rahimahullah, en expliquant ces versets 26 à 40 de Sourate Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala exhorte ses serviteurs en citant la situation de cet agonisant au moment où il s'apprête à mourir, lorsque son âme atteindra ses clavicules. À ce moment, la situation sera difficile pour lui et il demandera tout moyen et recherchera toute cause qui pourrait lui apporter la guérison et la tranquillité. Pour cela, qu'Allah Azza wa Jal dit « وَقِيلَ مَنْ رَاقِ » et qu'on dira « qui est exorciseur ?» Qui va l'exorciser ? Un mot issu de « الرُّقْيَة » qui est le fait d'exorciser et c'est un moyen de guérison en citant et en récitant des incantations qui sont des versets ou des invocations ou des rappels que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dira qui est exorciseur, car à ce moment il perdra espoir de trouver une cause mondaine pour le sauver de cette situation. Il ne lui restera donc que les causes divines. Mais le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque leur moment arrive, rien ne peut les rejeter. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ, et qu'il sera convaincu que c'est la séparation. Qui sera convaincu? Celui qui agonise. Jusqu'au moment où il sera convaincu que c'est la séparation. C'est-à-dire que c'est le moment où il se séparera de cette vie d'ici-bas. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Ici, c'est traduit par « et lorsque la jambe s'enlacera à la jambe ». Il faut savoir que « assaq » est utilisé par les Arabes pour montrer la force ou une chose dure et forte. Et c'est cette interprétation qu'a opté Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala. Ainsi, on traduirait plus ce verset par « et que la souffrance s'enlacera à la souffrance ». C'est-à-dire que la souffrance ou les souffrances se rassembleront. Ainsi, la situation sera pour lui extrêmement difficile et il voudra que cette âme sorte de son corps, cette âme qui ne cesse d'être présente dans son corps, et qu'elle soit amenée à son serviteur, à son seigneur Afwan, afin qu'elle soit rétribuée selon ce qu'elle a fait. Ainsi, cette réprimande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset, amène les cœurs vers ce qui les sauve et éloigne les cœurs de ce qui provoque leur perdition. Mais quant à l'entêté, celui qui ne profite pas des versets, il persiste dans sa transgression, dans sa mécréance et dans son entêtement. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى » ni il n'a cru, c'est-à-dire qu'il n'a cru ni en Allah, ni en ses anges, ni en ses livres, ni en ses prophètes, ni au jour dernier, et ni au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ. Ni il n'a fait la prière, au contraire, il a traité de mensonge la vérité au lieu de la considérer vraie. Et il a tourné son dos. Il a tourné son dos aux commandements et aux interdits. Tout ceci, en plus de tout cela, il est serein, sans avoir peur de son Seigneur. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, il a ahlihi yatamatta, qu'il part et qu'il s'en va vers sa famille en marchant avec orgueil, c'est-à-dire comme si rien ne le tracassait. Allah subhanahu wa ta'ala l'a alors menacé en disant, Azza wa Jal, malheur à toi, malheur et encore malheur à toi, malheur. Ce sont des paroles de menace qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répétées pour répéter cette menace. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fait un rappel à l'être humain de sa première création. Lorsqu'il dit Azza wa Jal, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation? C'est-à-dire, pense-t-il cet être humain qu'il est suspendu, qu'il n'a pas d'obligation ni d'interdit? Pense-t-il qu'il ne sera ni récompensé ni châtié? Ceci est un calcul faux, et celui qui a une pensée comme celle-ci a un soupçon envers Allah qui ne coïncide en aucun cas avec sa sagesse divine, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit, « Alam yakunu tufatan min mani yumna » N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée ?« Thumma kana ba'da al-mani » Puis il fut, c'est-à-dire après le sperme, « alaqa » une adhérence, c'est-à-dire du sang. « فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا الْحَيَوَانُ وَسَوَّاهُ » Et Allah Azza wa Jal l'a ensuite créé, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la vie et l'a formé harmonieusement. « فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى » Puis Allah en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, celui-là qui a créé l'être humain à travers ces différentes étapes n'est-il pas capable de faire revivre les morts ? Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Bien au contraire, il est capable de toute chose. Ainsi se termine le tafsir de Sourate Al-Qiyamah et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On aktafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.